negege. Nazala kamoi munguna nanga sembula hoi ya maikeme. Nalinga ha bolingo ya bomwana kina nini toka bwana. Oh ma belle nandi matena maso salize mere. E bombi na sede na mosus mama. Mama tambora bambo kanyo sobo. La vie à mon nom est comme une balle, quoi tu fais qu'il faut y avocatiser. Les alliés de maman, oh ma belle, nani ma terre, n'a pas so sali de mérite. Et pour qu'il a cédé dans mon sou. Wana monoko e koloba kona kana kana si omole mesali boete mama wa kati soki bolo na ya geyo ebeo uzali kafepere wa yeo kati soki boli bolo ya geyo ebeo uzali kafepere wa yeo. Oh mon amour, et tu sais je t'aimais parce que je préfère à moi seul. Oh ma belle, je te préfère à moi seul. Imege nazala kamoi kunana kasebula hoya maikeme nalinga ka bolingo ya bomwana. Oh ma belle, ni ma terre, n'a pas sous sa libre. Et bon, tu n'as pas de n'a pas sous maman. Mama, tambo la bambo, canon son bourreau. Mobile en bon inié, animal et camboy en bataille. Et ça la passe à t'aimer passer. Nalinga. La vie à mon nom est comme il est pas le bois tombé caille pour y accompagner. Les amis de maman, oh ma belle, nani ma terre, n'a pas sous la vie mère. Et bon, il n'a pas de mon soussou. Wana mon encore et qu'on va pour la cata. Merci pour mon lema, les amis pour être maman. Merci pour qui pour qu'on aille à Dieu et Béo. Dis-moi ça, dis-moi ça, dis-moi ça, à la table. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.